Ma petite femme de France, elle connaît tout de moi. Si se calienta el sol, le doy mi sombra cordial. No hay que tratarla mal, ella te puede encandilar. Ma petite femme de France, elle connaît ses chansons, la canta sin querer, mientras le lustro el corazón. No hay que tratarla mal, ella te puede encandilar. Elle me fait me sentir magnifique, elle me fait me sentir très très bien, elle me fait me sentir comme un petit chien. Elle me fait me sentir magnifique, elle me fait me sentir très très bien, elle me fait me sentir comme un petit chien. Ma petite femme de France, elle connaît tout de moi. En la noche invernale, la adorno con calor. No hay que tratarla mal, ella te puede encandilar. Ma petite femme de bronze, elle connaît ses chansons, la canta con sudor, metálico y sensual. No hay que tratarla mal, ella te puede encandilar. Él me feme sentir magnifique, él me feme sentir très très bien, él me feme sentir comme un petit chien. Elle me fait me sentir magnifique, elle me fait me sentir très très bien, elle me fait me sentir comme un petit chien, ma chérie. Elle me fait me sentir magnifique, elle me fait me sentir très très bien, elle me fait me sentir comme un petit chien. Elle me fait me sentir magnifique, elle me fait me sentir très très bien, elle me fait me sentir comme un petit petit chien.